Je voulais profiter de l'occasion pour discuter de, je crois que c'est des sites que vous avez mis, comment est-ce qu'on s'y prend pour décrire l'état de l'université aujourd'hui, en étant plus neutre, précarité générale ou généralisée, je ne sais plus, et comment est-ce qu'on s'y prend pour décrire ces choses-là. Mon ambition première était de réfléchir à la manière de produire un savoir sur cette question-là, et non pas simplement de vous apporter le contenu du bouquin. Je me suis rendu compte, évidemment, que tout le monde n'a pas lu le bouquin, et c'est tant mieux. Ensuite, ça risquait de devenir un petit peu frustrant pour vous d'avoir un texte un peu, enfin d'avoir une parole un peu flottante ou un peu en surplomb comme ça qui parle de méthode qui, plus est, a pour une partie d'intérêt que biographique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je me trouve là et qu'est-ce qui m'a permis de faire le bouquin. Donc je vais quand même dire quelques mots sur pourquoi ce bouquin et ensuite essayer d'aller très vite, mais beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est évidemment d'en discuter. Alors pourquoi j'ai fait ce bouquin? D'abord, je le dis jamais, et on a pris beaucoup de soin à ne pas le mettre derrière le bouquin, mais moi je suis précaire, je l'ai été pendant je ne saurais pas dire, mais et aujourd'hui plus, parce que je suis parti de l'université, enfin je me suis dit que ça suffisait, et sans rentrer dans les détails, c'est aussi ça qui m'a permis d'écrire le bouquin. Voilà. Je ne parle pas de moi, là. Je parle du fait que c'est extrêmement compliqué, et c'est une des choses qu'il fallait objectiver à l'intérieur de l'enquête et du bouquin, c'était de se dire qu'est-ce qui permet à un moment donné de prendre un regard sur la précarité, qui plus est pour un précaire, qui ne soit pas piégé par l'ensemble des discours et des modes d'organisation de ce qu'est la précarité à l'université. Et quand on est précaire, bien entendu, une des clés de la précarité, c'est qu'on ne la voit pas comme quelque chose qui peut durer très longtemps, on la voit comme quelque chose qui est soit éphémère parce que soit je ne suis pas à la hauteur, donc là on en fait une question de personne, soit on en fait une question d'économie ou de finance comme vous voudrez, c'est-à-dire il n'y a plus de moyens, donc évidemment il faut se contenter de ce genre de poste-là. Et en réalité, c'est ce que je montre dans le bouquin, c'est ce que je voulais faire dans le bouquin, c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre les choses. C'est-à-dire que, pour moi, et je pense que je le montre dans le bouquin, donc c'est pas simplement mon avis personnel, la précarité, parce qu'elle est devenue un des modes d'organisation des choses universitaires, est à prendre comme l'incarnation de ce que l'université réformée est et a à être dans l'avenir. C'est-à-dire, même si c'est dit de manière un peu provocatrice dans le bouquin, c'est-à-dire qu'il faut prendre les choses dans l'autre sens, c'est pas les précaires qui sont appelés un jour ou l'autre à devenir des titulaires, c'est comme ça qu'il faut raisonner, c'est donc à quelle échéance les titulaires vont devenir des précaires, puisque c'est cette forme d'incarnation de la flexibilité. La précarité, c'est pas autre chose que le monde de la flexibilité à l'intérieur des choses universitaires et beaucoup d'autres. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce bouquin, pas simplement parce que c'est Wittgenstein qui disait ça, les idées aussi tombent de l'arbre parfois avant d'être mûres. C'est pas que ça, c'est-à-dire qu'il m'a fallu me libérer de ce qui est aussi la précarité dans les choses les plus ordinaires, c'est-à-dire la manière même de réfléchir à ce qu'on fait et à ce qu'on est capable de faire, à ce qu'on peut faire et aux choses qui sont piégées par avance. C'est une des autres choses qui me semble intéressante de dire pour comprendre le livre. C'est une des clés de... Ce que j'ai voulu faire, c'est un bouquin qui soit à la fois colérique et à la fois scientifique. Alors, ça se fait pas, peu importe, mais enfin, en tout cas, on peut tenter le coup. Colérique, parce que c'est une colère d'avoir vécu de la précarité, pas personnelle, la précarisation de l'université, et de voir ce qu'elle devient et tous les fils qu'on peut en tirer. Donc, ce que moi, j'appelais la destruction de l'université française, et pas que française. En même temps, donc cette colère, et en même temps une forme d'incompréhension, mais au sens premier de ce qu'on fait dans la construction de nos objets scientifiques, c'est-à-dire, mais comment ça se comprend, ça, comment je suis capable de produire un travail d'intellection, d'objectivation des mécanismes, d'explication de cet objet-là qu'on peut construire comme étant cette forme de précarité. Donc c'est pour ça que le passage lu est... Pratiquement, je ne vais pas le redire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, je pouvais m'arrêter, ce que je vous dis là, à la page 13. C'est-à-dire que pour la partie colère, je pense que là, on a fait le travail. Pour la partie, évidemment, de trouver la capacité d'argumenter autre, il fallait mettre en place des choses un peu plus substantielles. Donc, je disais à la fois ces deux registres, colère et incompréhension, donc explication scientifique, parce que j'ai fait mon boulot scientifique. C'est un des effets de faire ce genre de bouquin, c'est-à-dire que ça a un effet qui est celui de produire un savoir qui qui est dans un entre-deux. C'est-à-dire, on m'a reproché d'être trop véhément et bah oui, ça nuit au caractère de prof scientifique. On m'a reproché d'être trop mollasson sur le côté militant parce que c'est trop scientifique, il y a trop de sources, il y a des notes en bas de page, machin. Donc en réalité, moi-même, je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de faire. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il y avait ça au principe du mode de fonctionnement du bouquin. Alors quand je dis ça, précaire ou pas, là aussi, c'est une difficulté, c'est-à-dire. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à m'appeler précaire. Et évidemment, c'est un des pièges, quand on veut tenir le discours que j'essaie de tenir dans ce bouquin, que de s'étiqueter précaire. Je le fais très peu, d'ailleurs, parce que précisément, soit on vous dit, bah oui, alors donc c'est de la rancœur, c'est celui qui n'entre pas dans la maison, dit que la maison se casse la gueule. Soit c'est pris comme une espèce de militantisme premier qui, de toute façon, mécontente à la fois les militants véhément et ceux qui voudraient voir tenir un discours un peu plus costaud. Donc c'est cet entre-deux-là que j'ai voulu faire et ça produit un autre effet dans le travail d'intellection qui est que là je parle à l'aune de la réception critique du bouquin, c'est-à-dire évidemment tout le temps c'est quand même un bouquin, je sais qu'un bouquin est lu de différentes manières et là je me suis rendu compte de pas mal de c'est pas des mauvaises lectures, c'est des lecteurs raccourcis, donc évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des choses qui me paraissent pas tenir la route, c'est-à-dire si on considère le livre comme un travail, ce qu'il est, c'est-à-dire comme un travail qui essaie de produire un savoir sur la question de la précarisation de l'université et de sa destruction plus générale, c'est très difficile à faire tenir auprès d'universitaires, qu'ils soient en poste ou qu'ils soient précaires. D'abord les précaires, ça va de soi que... On dit aux précaires qu'une partie de la précarité vient du fait qu'ils s'attachent au système qui les précarise. C'est pas très audible comme discours. C'est votre faute, mais c'est dû. Oui, mais jusqu'où on est capable de. Mais je parle pour moi, jusqu'à quel degré, jusqu'à combien d'années on est capable d'accepter cette forme de précarité et de précarisation extrême. C'est-à-dire, il y en a qui ont une carrière de précaire à 10 ans, à 15 ans, jusqu'où on est capable de faire ça. Quand on dit que. Quand on met noir sur blanc ces formes-là d'abnégation qui ne sont pas du mérite, qui sont. Des formes de construction de carrière parce que, je garderai du temps pour en parler suffisamment, mais parce que toute l'organisation de l'université depuis 15-20 ans porte à cette précarité-là. C'est très difficile à entendre, et je le conçois. Donc, je me suis pris des avoinés de précaire, il n'y a pas le choix, évidemment c'est le jeu, et donc il faut accepter les morceaux de copie, et donc il faut accepter de faire des tours de France parce qu'un jour ou l'autre on aura peut-être un poste et machin. Ce que je dis dans le bouquin, c'est précisément ça, et si on enlève ça, qu'est-ce qui reste? À un moment donné, si on cesse d'y croire, qu'est-ce qui reste? Et je pense qu'il y a une forme de lucidité derrière ça qu'il faut accepter de voir en face, d'entendre en tout cas. Et l'autre versant, qui est évidemment, je ne suis pas en train de dire que je me suis fait tabasser par tout le monde, au contraire, ça fait partie de, je pense là, je ne l'ai pas fait du tout, mais ça fait partie de l'espace de discussion, l'espace de travail autour de cette question. L'autre question étant celle de, évidemment, je ne suis pas dupe, moi aussi j'ai du Bourdieu, c'est-à-dire c'est très difficile d'objectiver le monde des professionnels de l'objectivation, c'est-à-dire évidemment les universitaires sont parmi les plus rétifs à ce qu'on objective les règles du travail universitaire. C'est pas, on est les premiers aussi à râler, moi en tant qu'historien, quand j'ai quelqu'un qui a vécu une période sur laquelle je travaille et qui vient me dire « bah non, vous ne connaissez rien, moi je l'ai vécu, je sais comment ça se passe », c'est exactement du même mot, c'est-à-dire des universitaires qui viennent vous dire « oui, mais moi je vois dans mon université, c'est pas comme ça », ou « oui, mais moi je vois, il y a des précaires heureux, il y a des précaires heureux, on est bien avancé ». Oui, il y a une forme de cécité à l'égard de la situation qui est au-delà. Je pense que du simple fait, on l'explique pas simplement en se disant, évidemment, les titulaires ne voient plus les choses de la même façon. C'est vrai, et ça ne suffit pas à expliquer l'intégralité d'abord de ce qui s'est passé, la transformation de l'université, et ensuite de lecture un petit peu oblique, disons, pour ne pas être dévoratif du bouquin, et des bouquins qui ressemblent. Je ne prétends pas avoir inventé la lune autour de cette question-là. Voilà, pour ce qui est de ce que je pourrais dire, je vais dire que j'étais historien de métier, de formation. Voilà, donc, transition habile. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est que je suis parti de la question de la précarité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les précaires de l'université et arriver à produire ce savoir dont je vous parle. Et en réalité, en travaillant un peu sur la question, donc je vous dis, j'ai passé des années à mûrir la chose. En réalité, on ne peut pas comprendre la question de la précarité aujourd'hui si on ne comprend pas, évidemment, ça tombe sous le sens ce que je vais dire, mais si on fait le travail jusqu'au bout, il devient gigantesque. On ne peut pas comprendre la précarité sans comprendre la précarisation de l'université, sans comprendre la précarisation des formes salariales en général, sans comprendre les, on va dire gentiment, la révolution néolibérale des années 90, sans comprendre. Et en réalité, je me suis retrouvé par un biais à la fois professionnel, la casquette de l'historien, et par la construction même de l'objet, qui est qu'on est obligé d'aller chercher pour comprendre ce qui est détruit, ce qui disparaît, de comprendre ce qui s'était construit. C'est-à-dire sur quoi ça repose. Ça aussi, ça m'a été beaucoup reproché. Bah oui, mais quand on fait de l'histoire longue, les choses apparaissent. Alors on construit des tableaux pour montrer qu'il y a des césures. Mais c'est pas seulement ça. Je pense qu'il y avait un outil autour de la question de l'histoire, on l'appelle une sociologie historique ou l'histoire sociale. Je viens de l'histoire sociale, c'est vraiment entre les deux. Je pense que c'est un outil de. Les généalogies sont un outil de lutte aussi pour lutter contre cette forme de. Qui est de construction libérale pour aller vite, qui nourrit les choses au présent, c'est-à-dire qui ramène tout à un pur présent, à une immédiateté. Les choses se passent là, maintenant, il faut s'adapter dans le présent. Et on oublie, ce qui pour un historien est terrible, on le voit, mais sur l'intégralité des sujets, il faudrait prendre l'histoire sociale. Donc, comprendre comment les choses se constituent, comment, pour comprendre comment est-ce qu'elles disparaissent, pour comprendre les fils qui sont rompus à un moment donné et ce qui se passe. Donc faire de l'histoire, c'était pas juste me faire plaisir en tant qu'historien, c'était aussi nourrir produire un outil d'intellection de cette précarité. Et donc, alors je vous fais grâce des développements historiques, mais je pense que le moment où moi j'ai compris quelque chose, après, je ne dis pas que je l'explique bien et que ça vous fait comprendre des choses immédiatement, mais c'est les choses fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que la précarité, c'est-à-dire l'existence même d'un canevas de précaires qui sont aujourd'hui, pour aller très vite, à peu près la moitié des enseignants-chercheurs de notre pays, c'est pas rien, et qui sont voués à devenir plus que la moitié. Donc ce canevas de précaires, avec des statuts très différents, parce que l'un des jeux, c'est évidemment ça, dans la citation tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'on rend intelligible. On ne construit pas une catégorie sociale à part qui s'appellerait des précaires. C'est une unité partout, on ne se vit pas de la même façon, on ne se voit pas de la même façon, les statuts ne sont pas les mêmes, dans le temps, dans la durée. Bon. Mais cette construction de la précarité, quand on dit simplement elle ne peut pas être détachée des formes de structuration de ce qu'est la chose universitaire aujourd'hui, c'est pas juste un jeu. C'est-à-dire que c'est pas juste un jeu. C'est pas juste une vue de l'esprit. C'est-à-dire que dans le passé, et c'est ce que je vais essayer de dire en quatre phrases, pas plus, si vous me coupez. Pas grossir la partie historique. C'est-à-dire que l'université qu'on a perdue, je mets aucune nostalgie derrière ça. C'est-à-dire juste regardez ce qui a disparu. Je ne plaide pas pour qu'on le fasse, ça aussi, c'est des incompréhensions. Je ne plaide pas pour qu'on remette ce qu'il y avait avant. Il n'y a pas de sens à dire ça. Un historien n'est pas soupçonné à chaque fois qu'il travaille sur quelque chose de vouloir faire revivre la chose sur laquelle il travaille. Ça n'a plus de sens. Bon, la chose qui s'est défaite, c'était précisément un moment historique qui est celui des années 1870-1914 et qui a perduré au-delà de la crise des années d'entre-deux-guerres, qui a été un moment aussi d'américanisation de l'université française, qui a perduré au-delà des années 60, qui a été un moment de crise de croissance des universités avec les effectifs qui ont explosé et les assistants, maîtres assistants et autres. Bon. Ce qui s'est fait entre 1870 et 1914, c'est la constitution de la profession d'universitaire. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais c'est-à-dire qu'avant ce moment-là, il était d'usage que l'université soit faite à partir de deux fils qui étaient évidemment entrelacés. C'était d'une part une profonde dépendance à l'endroit du pouvoir et des classes sociales qui détenaient le pouvoir et la reproduction du pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, un universitaire était nommé, je parle universitaire, je parle de ce qu'on appelle les professeurs, c'est-à-dire ceux qui étaient titulaires des chaires, qui n'avaient pas beaucoup en France. Là, je parle de 1804, au moment, ou 1800, allez, pour aller vite, le moment de l'université napoléonienne, jusqu'en 1870, donc, pour aller très vite à Napoléon III. Donc, le premier fil, c'est ça, une dépendance à l'égard du pouvoir. Le pouvoir nomme les enseignants. N'a pas à justifier la nomination des enseignants, n'a pas à justifier sur des critères scientifiques ou académiques ou autres. Non. Le pouvoir vérifie le contenu des enseignements, donc pas simplement par le titre des chaires, encore qu'elles étaient très encadrées. C'est-à-dire si vous faisiez un cours qui ne correspondait pas au titre de la chaire, il pouvait y avoir des révocations. Mais pas simplement ça. C'est-à-dire qu'il fallait physiquement remettre le cours et le faire valider avant de le professer. Dépendance, autre débat. Alors, dépendance, il y a plein de registres anecdotiques, mais il y a surtout des décrets. Par exemple, les profs de droit ne pouvaient être recrutés que dans le corps des magistrats, des cours d'appel, de cassation et autres. Donc, c'est-à-dire, on voit bien dans la construction même de ce qu'est le statut d'universitaire, très flottant à ce moment-là parce qu'il n'est pas très détaché du lycée, il y a une forme de. L'université, c'est une machine à prolonger le pouvoir, à étendre le pouvoir. Par exemple, Napoléon III a comme idée de mettre en place un décret sur la taille de la moustache des professeurs qui ont à se tailler la moustache pour avoir une barbe qui paraît plus imposante, pour être la figure historique, peu importe, la figure du professeur qui en impose, qui est capable d'en imposer. Donc, dépendance à l'égard du pouvoir. Et l'autre dépendance, je vais très vite, hein, et l'autre dépendance qui est beaucoup plus. Qui est logique, il faudrait reprendre toute l'histoire du XIXe siècle. A été à l'égard de, je disais, les classes intéressées à la reproduction et à la possession de ce pouvoir en place. C'est-à-dire qu'en gros, les universitaires sont recrutés au sein de la bourgeoisie conquérante, je vous renvoie à Thiers, de la bourgeoisie conquérante du XIXe siècle, c'est-à-dire l'idée que, en gros, c'est le lieu où vont se produire et se reproduire les titres qui permettent d'obtenir, je dis très vite, les meilleurs postes à la fois. Pour ce qui est de devenir militaire, pour ce qui est de devenir rien, mais aussi dans les professions libérales. On est dans un moment qui est intéressant pour un historien, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle est un moment d'explosion des effectifs. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu autant d'étudiants au 19e siècle qu'à ce moment-là. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Les titres deviennent soit qu'on s'est habitué, mais il a bien fallu l'inventer, les titres universitaires deviennent un moment un moyen d'accéder à certaines fonctions. Officiellement, il faut tel titre pour obtenir telle fonction. Et donc la maîtrise des titres universitaires par les universitaires est un enjeu de reproduction et d'extension du pouvoir dont je parlais, aussi du pouvoir social. Ça se voit, là c'est pas la question de la taille de la moustache et autres, c'est que les universitaires sont recrutés dans les milieux sociaux de la bourgeoisie libérale et de la haute bourgeoisie libérale, c'est-à-dire en gros ils ont les mêmes styles de vie que les gens qu'ils côtoient, à savoir les dignitaires du pouvoir, à savoir les grands entrepreneurs de l'industrie conquérante du 19e siècle, ce qu'on appelait dans le temps la révolution industrielle. Je dirais presque cerise sur le gâteau, les grands universitaires, c'est-à-dire ceux qui ont le monopole, c'est mon deuxième fil, ceux qui ont le monopole de production du savoir, c'est-à-dire ceux qui sont habilités à faire les cours dont je parlais. Les autres, on n'évalue pas leurs cours, ils ne sont pas là pour faire des cours. Donc, ceux qui sont habilités à faire ces cours, ceux qui sont habilités à publier des ouvrages à partir de ces cours, hein, qui deviennent des sommités qu'on vient voir le soir dans les amphis. Donc ceux-là sont à la fin du. Surtout sous le troisième, sous le Second Empire, deviennent des hommes politiques. C'est-à-dire beaucoup de professeurs à la Sorbonne sont, un tiers à peu près, sont en même temps soit députés, soit ministres. C'est-à-dire que c'est ce modèle-là de l'université qui est en place jusqu'à la. Mettons jusqu'à 1880, puisque ça met du temps à s'en complotre. Et l'autre fil, donc ça, ce premier fil, le moment 1890-1914, le détricote autrement. Et l'autre fil qui va avec ce premier fil, c'est celui de. Alors le premier, c'était la dépendance. L'autre, c'est le clivage. C'est-à-dire que le monde universitaire est clivé entre deux univers. C'est-à-dire, c'est assez simple à comprendre, mais si vous imaginez comment ça fonctionne, on peut mesurer tout de suite qu'il y a des choses à comprendre à partir de là. L'idée, c'est qu'il y a des titulaires et il y a des non-titulaires. C'est-à-dire les titulaires sont classiquement ceux qui sont fonctionnaires, sont ceux qui ont les salaires, pas mirobolants, mais qui ont les salaires. Je ne dis pas mirobolants par rapport à leurs collègues anglais ou allemands et pas mirobolants par rapport à leurs collègues de lycée. Mais eux ont les postes, sont passés par les arcanes dont je viens de parler. Et à côté de ça, il y a un parterre. Alors les titulatures changent évidemment en fonction des régimes politiques, mais en gros, que ce soit les monarchies censitaires ou que ce soit les empires, on arrive à l'idée qu'on a des professeurs, qu'on les appelle suppléants ou adjoints ou suppléants provisoires, et puis tous les autres garçons d'amphithéâtre, garçons de tout ce que vous, de laboratoire, tout ce que vous voudrez. Donc ça, on est sur le mode du. Ben ils sont nommés parmi le corps des docteurs et des agrégés à l'époque, et ils ont aucune chance de rentrer dans la carrière universitaire, mais c'est de statut, c'est-à-dire il est prévu qu'ils ne rentrent pas dans la carrière universitaire, ils sont nommés pour 5 ans ou 10 ans, et après ils retournent soit au lycée, soit où ils veulent, mais ça, on s'en soucie pas. C'est ça, ce monde clivé en deux, qui est extrêmement intéressant, parce que c'est mon deuxième fil, j'en fais le premier de la chose qui se transforme à partir de 1890-1914, je n'ai pas dit parenthèse, évidemment, c'est le moment républicain. Je vais dire deux mots de pourquoi ce moment républicain est important, mais le fil dont je viens de parler de ce clivage, c'est la chose qui se transforme peut-être le plus et à laquelle on avait fini par s'accoutumer, mais à tort, parce qu'elle est historique. C'est-à-dire, elle est susceptible de n'avoir pas existé pendant un moment, de disparaître à un autre, qui est que donc ce qui se défait, c'est l'idée qu'il n'y a plus ce clivage entre deux corps, il y a l'idée de ce que j'appelle dans le bouquin un principe de continuité qui se met en place, c'est-à-dire un tableau d'ensemble. Je parle des principes sur le papier à l'échelle de chaque université, c'est une autre affaire. Mais sur le principe de fonctionnement, l'idée que le petit qui commence, que, alors, on ne parlait pas des entrants et des statutaires ou autres, on parlait des recrues et des vétérans. La recrue, c'est-à-dire le jeune qui rentre dans la carrière, quel que soit son statut, est un grand en devenir. C'est-à-dire que se met en place un tableau d'ensemble dans lequel les petits et les grands, et je prends à dessein ce terme-là, sont séparés non pas par un clivage qui sépare deux mondes distincts, mais par du temps. C'est-à-dire que ce qui les sépare, Durkheim a un beau texte là-dessus, c'est du temps. C'est-à-dire que les petits contiennent dans la position qu'ils occupent, qui est au départ provisoire et mal payée et difficile, contient en elle-même l'avenir de « je deviendrai professeur titulaire ». Ce qui est radicalement différent de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire avant ça n'existait pas. Se met en place cette forme de ce principe. Ce qui est extrêmement visible dans le mode de fonctionnement des universités, c'est-à-dire ça prend la forme toute bête d'un organigramme d'université, c'est-à-dire une feuille dans laquelle chaque université présente le corps professoral, c'est-à-dire le professeur suppléant machin qui fait tel cours, et jusqu'au professeur qui est titulaire de sa chaire, qui lui. Ben non, d'ailleurs, vient plus avec sa toche, on va essayer de transformer ça aussi. Enfin, tableau d'ensemble, ce qui se constitue à ce moment-là. Et l'autre fil de sa transformation, c'est un peu plus connu, mais c'est l'important, c'est de les tenir ensemble. C'est l'idée que le monde universitaire, donc dépendant du pouvoir, se pense, se construit, encore une fois sur le papier, à l'échelle du séminaire, comme un monde indépendant de tous les pouvoirs possibles, c'est-à-dire indépendant, premièrement, des questions financières, c'est-à-dire de la bourgeoisie d'affaires dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on met à l'abri les universitaires et on pense la mise à l'abri des universitaires en se disant il ne faut pas qu'ils soient dépendants de choses qui vont peser sur la production des savoirs qu'ils produisent. C'est-à-dire il ne faut pas qu'ils soient dans la même situation que les journalistes, que les plumitifs qui vivent des prébendes de tel ou tel éditeur ou de tel ou tel. Largesse de madame machin qui tient son salon et qui aime bien avoir. On veut les mettre à l'abri pour une chose assez simple qui est l'université devient le socle. C'est le même mot d'ailleurs que l'école primaire à l'époque. L'université, c'est de l'école de Jules Ferry jusqu'au doctorat. L'idée, c'est qu'on construit, mais c'est archi connu, on construit un univers dans lequel le monde universitaire, le monde des savoirs, est un socle de la production d'une démocratie éclairée. Ça veut dire méritocratie. Encore une fois, on est dans les principes, mais c'est très intéressant à construire comme ça. Méritocratie et démocratie, ça se traduit comment dans le monde universitaire? Méritocratie, eh ben c'est tout bête. Encore, tout bête. C'est-à-dire, les enseignants avancent dans leur carrière et dans leur position en fonction des mérites qui sont reconnus par leurs pairs. Après, on peut juger que les pairs ne sont pas bons, que les mérites ne sont pas les bons, les critères de mérite ne sont pas les bons, mais en tout cas, le principe de fonctionnement, c'est celui-ci. Et l'autre partie, qui est la partie démocratique, c'est pas moi qui fais ces raccourcis, c'est pensé comme ça dans le monde universitaire de l'époque, dans la construction du monde universitaire de la Troisième République. Donc démocratie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un univers qui est inféodé à un pouvoir, qui soit celui du monarque ou celui de l'empereur, on a un univers qui se gère lui-même, c'est-à-dire vous débrouillez entre vous pour ce qui est du choix des chaires, pour ce qui est du titre et du contenu des enseignements, c'est pas au pouvoir de s'en occuper. Et vous vous débrouillez pour, je l'ai encore dit, pour mettre en place une forme de collégialité dans le mode de fonctionnement d'une université, c'est-à-dire le passage d'une université à une autre, le passage d'un grade à un autre, doit fonctionner sur le mode de la collégialité. Évidemment, ce n'est pas gratuit. L'idée, c'est que l'université, ce n'est pas simplement le lieu où on va penser, sur le monde, et donc produire des citoyens qui seront capables de voter. Ça n'échappe à personne que c'est une forme d'idéologie qui se met en place, il y a des textes à non plus finir qui montrent ça. Mais c'est aussi une forme de construction assez simple qui est l'université garantit l'État républicain, garantit ce qu'il a à être, c'est-à-dire méritocratique, démocratique, tout le monde a sa place en fonction de ses mérites et tout le monde peut intervenir démocratiquement dans la gestion, dans le gouvernement de cet univers-là. Et je vais zapper la fin de la phrase, mais enfin, et oui, et de l'autre côté, l'État peut s'appuyer sur le fait que, regardez, le monde du savoir sur lequel notre démocratie prend appui est lui-même l'incarnation des valeurs qu'on met en avant. Je pense que j'étais trop long sur la partie historique, mais enfin, grosso modo, et là, c'est un mot, c'est un mot. Et voilà l'historien, et je suis pas aussi long dans le terme, mais ça me semble intéressant. Pour aller très vite, ça perdure, ça perdure longtemps, et c'est là où on se plante souvent, c'est-à-dire que le moment, par exemple, des assistants et des maîtres assistants ne sont pas les ancêtres de nos précaires, sont encore plus dans ce système-là. Beaucoup d'assistants et maîtres assistants sont fonctionnaires d'État, ont des postes à côté, c'est pas organisé de la même façon. Donc ce qui s'est défait, alors je dis juste, en gros, le moment, parce que là aussi, il est fameux. Farcir des textes joyeux de cette conversion néolibérale. C'est assez simple, c'est-à-dire que ce que nous on a vu s'appliquer, c'est pas l'Union européenne qui décide, c'est encore simpliste, c'est l'OCDE, la Banque mondiale dans les années 90 qui décide ce qu'ils appelaient eux-mêmes la reconceptualisation de l'université, c'est-à-dire en gros, l'université doit être placée, et c'est là où beaucoup d'universitaires se sont dit ah ben, ça peut être sympa. Là. L'université est placée au centre du monde économique capitaliste que l'OCDE, la Banque mondiale vont mettre en avant. Et donc, dans leur rapport, ils nous disent, si elle est au centre, et c'est pas pour lui faire plaisir, évidemment, c'est qu'elle doit créer l'économie de demain, et même l'économie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il y a du chômage, c'est que vous ne formez pas la main-d'œuvre comme il faut. Donc, on a la professionnalisation des formations universitaires et la professionnalisation des financements de la recherche derrière la main. Et, deuxièmement, s'il n'y a pas assez de croissance, eh ben, c'est que l'innovation qui est produite par les chercheurs, par les universitaires de tout pays, est trop théorique, trop universitaire, et donc ne parvient pas à produire ses effets sur le marché du travail, je sais pas, les nouvelles technologies, tout ce que vous voulez. Et donc se greffe là-dessus, ce qui est limpide dans les textes, notamment la Banque mondiale emboîte le pas de l'OCDE dans un texte de 98, où ils disent, alors pour mettre en place cette reconceptualisation, voici les quatre points, alors que j'arrive jamais à citer, mais enfin en gros, privatisation des financements, il faut arrêter avec les dépenses publiques dans l'université. Rapprocher l'université du monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que la recherche serve au monde de l'entreprise. Troisième point, une gestion managériale des universités, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les rigidités salariales. On s'est tellement accoutumé, mais quand même, en 98, dans l'université, ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. Et enfin, il faut professionnaliser les formations universitaires, c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants, quand ils sortent de l'université, soit capable de s'adapter au monde du travail. C'est-à-dire, si les sociologues bossent là-dessus, c'est-à-dire on a un transfert des responsabilités de la formation de la main-d'œuvre des entreprises vers les universités. En gros, je vous passe le truc Sorbonne, Bologne, Lisbonne. Enfin, en gros, les barnums de la gauche libérale européenne, Blair, Schröder, Jospin, qui mettent en place ça, parce que l'on s'arrête souvent à Pécresse chez nous. Voilà. Évidemment, le néolibéralisme est de droite et de gauche. Là, en l'occurrence, c'est mis en place assez tôt. Je passe assez vite là-dessus. Mais en gros, ce qui me semblait intéressant dans le bouquin, c'est de tenir ensemble le LMD, qui est le modèle, c'était la fac d'Harvard de la fin du 19e siècle. Je vous laisserai découvrir dans le bouquin, mais le LMD, c'était pas. C'est le modèle de l'acteur rationnel, libre de ses choix, qui est capable de faire ses choix lui-même. On a transformé une moyenne. Et par la capitalisation de crédit, c'est pas juste des mots, on a transformé l'idée qu'il y avait cette fameuse gradation, je vous renvoie à Foucault, le mode d'organisation des savoirs à l'université qui passait par une gradation, alors on commence par là, ensuite il y a ça, ensuite il y a ça, par une espèce de fonctionnement à la carte, ça dit pas autre chose que non seulement l'idée que les étudiants ont à penser leurs études sur le même mode qu'ils seront jugés ensuite sur le mode du travail, sur le marché du travail, c'est on les entraîne, on les habitue très tôt à devenir ça. C'est-à-dire un maillon dans cet écheveau économique dans lequel on les met en place. Et pas du tout l'université comme mode d'apprentissage d'un esprit critique, d'un machin. On n'est plus là-dedans. Évidemment, il faut tenir ensemble la professionnalisation des cours, enfin, je veux dire ce qu'on appelle offre de formation. C'est très intéressant. Moi, je prends un exemple particulier, parce que je ne l'ai pas dit, j'ai essayé de tuyauter un peu sur différentes disciplines et différentes manières de faire, mais par exemple, la manière dont on enseigne le droit en France depuis 10 ans, et dont on va le faire dans les 10 années à venir, parce que les facs de droit sont parmi celles qui se réforment le plus doucement, parce qu'ils ont souvent été à part, parce qu'ils sont dans la récitation, c'est pas péjoratif, parce que j'ai fait des études de droit aussi, dans la récitation des cours, c'est-à-dire vous pouvez faire un cours aujourd'hui, vous aurez le même qu'il y a 25 ans, C'est le prof qui change, mais qui fait exactement le même cours. Donc ça, tout ça pour dire que ça se réforme doucement. Mais il suffit de regarder ce que Sciences Po a mis en place, Sciences Po, l'école privée, a mis en place comme modèle de la professionnalisation de, comment ils appellent ça, la professionnalisation de la formation des professionnels du droit, en gros, apprendre à devenir avocat et juge. Regardez le mode de fonctionnement qui est, on se débarrasse de tout ce qui était théorique, c'est-à-dire dissertation, commentaire d'arrêt, et on retient les cas pratiques immédiatement utilisables dans un cabinet d'avocat. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire c'est une pensée casuistique du droit qui se met en place, qui est directement importée des profs, enfin, ce qu'on appelle les law firms américaines, c'est-à-dire l'idée que le droit se pense sur le modèle du common law anglo-saxon et non pas du mode de fonctionnement de notre droit auquel on est accoutumé. Alors, quand je vous dis ça, alors c'est très concret, c'est-à-dire on ne les forme plus de la même façon. On se demande bien où est-ce qu'ils vont chercher, ils vont trouver ensuite des profs de droit, si ça se met en place et c'est en train de se mettre en place dans les faits, qui seront capables de rénover les enseignements qu'ils dispensent. À un moment donné, on est capable de faire ça. Mais ce qui, moi, m'intéresse, en prenant des cas concrets de cette professionnalisation, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas du tout dans le discours, encore une fois, libéral, qui nous dit qu'il faut adapter l'université au réel des professions. Là, on est dans l'université, qui est les cours universitaires et les universitaires eux-mêmes, qui sont censés servir des enjeux politiques, idéologiques, économiques, et pas du tout adapter les étudiants au réel des professions, comme vous passez les oreilles avec ça. Alors, je vise de manière, parce que finalement, j'ai très peu parlé des prêts, c'est dommage. Mais bon, c'est la fin, c'est le tuyau qui emboîte tout ça. Et en deux phrases, juste pour tenir ces choses-là, comment faire deux phrases là-dessus. Ce qui me semblait extrêmement intéressant, c'est que les précaires sont le produit de cette dérégulation, mais qu'ils en sont les produits, non pas sur le mode de la conséquence, c'est-à-dire c'est vraiment la chose en banque, c'est pas la conséquence des réformes, mais c'est pas non plus la conséquence de l'état, je sais pas, de la place de l'université dans le monde économique. Ils sont la condition des réformes universitaires, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la modernisation universitaire, la recherche par projet, le financement de ces immenses barnums ANR, LABEX et autres, ne tient que parce qu'il y a des précaires et parce qu'on peut produire des précaires. 80% des financements des ANR servent à produire des postes, souvent des postdocs, des docteurs sans poste, ou des docteurs qui commencent et des docteurs. Les doctorants, pardon, qui commencent et qui n'ont pas de poste, servent à financer des postes précaires. C'est-à-dire, ça ne tient debout que parce qu'il y a des précaires. Les précaires ne sont pas la conséquence de ça. Ils sont la condition pour que ça existe. Voilà ce qui me semble extrêmement important. Alors, je passe sur les circonstances vécues. Vous doutez bien que c'était douloureux d'écrire tous les matins sur la précarité et le statut précaire. Est-ce que ça peut produire un être humain de se retrouver précaire, c'est-à-dire pas pouvoir... Est-ce que tout le monde connaît, mais sans le savoir forcément à l'université, pas pouvoir se projeter à plus de 3 mois ou 6 mois, être obligé de faire bonne figure auprès des étudiants. Moi, je sais personnellement, mon souvenir le plus douloureux d'universitaire, c'est ça, un étudiant qui dit « Qu'est-ce que vous voulez faire alors ?» comme vous. Mais ça va pas bien. Non, surtout pas, sauf si vous êtes héritier ou je sais pas, mais surtout pas. Donc, ça produit ces choses-là, et les suicides, et les... qui sont documentés. Non, ce qui me semble le plus grave, ce qui devrait intéresser tous les universitaires, il me semble, et pas que, parce que c'est pas qu'une question qui intéresse que les universitaires, c'est que ça détruit le métier. C'est-à-dire ça détruit le métier en termes d'investissement dans le travail. C'est tout con, mais de dire à quelqu'un, bon, bah, on vous prend 6 mois en postdoc sur un projet qu'on n'a pas choisi, parfois sur un projet dont on déteste la ligne, c'est-à-dire on s'est battu contre cette école-là. Vous doutez bien que le mode d'investissement dans le travail, sans même parler du fait que le savant perd l'autonomie de la production de l'objet savant sur lequel il travaille. Mais l'idée même qu'il s'investisse, il ne le verra pas fini, ou il le verra fini en même. Bon. On perd, bah oui, les parents qui gueulent, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, ah bah oui, les copies, il n'y a même plus d'annotation. Oui, mais quand on est payé à l'heure et que bah, toute la préparation du cours n'est pas assurée, je ne suis pas en train de trouver des excuses, je suis en train de vous montrer qu'en termes de destruction du métier, ça va beaucoup plus loin que simplement, ah bah il y a des petits précaires là, mais si on ne regarde pas trop, voilà, ça me fait un peu mal au cœur, mais bon. Non, ça détruit une chose qui est beaucoup plus détestable, qui est l'essentiel des précaires, dont je vous disais, on pouvait ergoter sur les chiffres, mais même le ministère est arrivé dans des proportions tellement grandes. Un univers sur deux est recruté en tant que précaire. Ça veut dire quoi en termes de mode de fonctionnement? Je parlais tout à l'heure de démocratie, collégialité, machin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est recruté en marge du mode de recrutement des titulaires. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Et ça veut dire quoi un précaire qui est recruté en marge des modes de fonctionnement? Ça veut dire que les formes de reproduction du métier d'universitaire ne fonctionne pas pour la moitié des universitaires qui peuvent être recrutés. Bah, regardez comment on recrute un vacataire pour faire des cours qui parfois ont commencé sans lui depuis 15 jours et n'y a pas réussi. On lui demande même pas un CV. Il passe par là, on le connaît, machin. Et c'est pas une caricature. Dans les labels, c'est des formes de recrutement à titre personnel. C'est-à-dire, j'ai été bien vu par telle personne connaît bien mon dossier. Ce qui était habituellement classifié dans ceux qui travaillent sur le monde universitaire comme objet d'étude, comme clientélisme ou comme localisme, ou ce que vous voudrez, mais qui là prend une tournure qui est instituée. C'est-à-dire, il ne choque personne de recruter un postdoc sur un projet d'ANR sans même se demander, mais qui l'évalue ? C'est quoi le mode d'évaluation d'un universitaire qui ne passe plus par les critères universitaires ? Qu'est-ce qu'on produit ? Et c'est pire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on enlève ces règles-là de fonctionnement, ce qui me semble déjà catastrophique, mais à partir du moment où on les enlève, je ne vois pas comment on va pouvoir empêcher cet immense monceau. Mais regardez, juste pour vous détruire le moral une fois, ben on est en plein dedans. Au moment de, après les recrutements, regardez l'immense discours qui se encore une fois, je ne suis pas en train de me justifier, juste l'observer, l'immense discours de véhément, de supputation, de coucherie, de machin, de truc muche, et de il a eu poste parce qu'il est ami avec Bidule, et de... C'est pas simplement le symptôme de quelque chose qui, ah bah oui, alors il y a de la rancœur parce qu'il n'y a pas de poste. Non, c'est pas ça que ça dit. Ça dit qu'à un moment donné, pour une bonne partie des précaires, non seulement ils savent, ils pensent, ils voient que les règles de fonctionnement universitaire ne valent pas. C'est-à-dire, ce que disait Mauss, une société, elle vit à partir du moment où on peut s'attendre à. C'est-à-dire, il y a une attente collective à quelque chose. Je m'attends à ce qu'il se passe ça. Je m'attends à avoir bien bossé, donc à avoir tel poste. Je m'attends à ce que ça... Là, on enlève cette attente à, ça me semble déjà pas rien, mais c'est aussi incompréhensible. C'est-à-dire, c'est tout bêtement, l'attachement au monde universitaire, à l'idée même qu'il y aurait une souveraineté du monde universitaire sur lui-même, s'évanouit à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire croire à quelqu'un qui est précaire que le monde universitaire fonctionne très bien, mais sans lui. Alors qu'il est dedans, alors je ne l'ai pas dit, mais alors qu'il assume pour 8000 vacataires en France, ils font plus de la moitié d'un service de maître de conf. On ne peut pas simplement dire que c'est quantité négligeable ou autre. Ils corrigent des copies, ils font des cours magistraux, ils font des colloques internationaux ou pas, ils publient des articles, ils font des revues. Donc voilà ce qui me semblait intéressant à mettre en place. Alors, je ne le dis pas, mais je le dis dans le bouquin, évidemment, les luttes ne sont pas absentes parce qu'elles me semblent être. Je ne parle pas que des luttes françaises, il y a eu des luttes au Canada, il y a eu des luttes en Angleterre, et, hein, voilà. Il y a eu des luttes de précaires, c'est-à-dire, on va en parler, mais il y a une parole précaire et un mode d'organisation précaire, il y a un mode d'organisation des statutaires aussi qui a existé. Je ne fais pas des tronçonnages, ensuite on a d'autres espaces qui ont existé. Mais ça me semble extrêmement intéressant dans la mesure où il y a une forme de prise sur volonté de prendre la main sur quelque chose qui ne fonctionne plus, en tout cas qui fonctionne mal aux yeux d'une bonne partie des précaires, des étudiants. Ça me semble extrêmement intéressant. Est-ce que je fais dans le bouquin parce que... Ben, en fait, justement, parce que j'étais un peu embarrassé par cette double casquette de critique et de critique sociale et de critique scientifique, qui est une conclusion qui formule des propositions assez générales et assez machin, mais pour essayer de mettre en place des ben, je sais pas, un prolongement de la discussion.